Ce sera comme on s'était dit, car tout le temps, c'est toi que je veux. Et comme on avait pris la route à deux, ce sera bien mieux. Mais où ça nous dépasse, tout cet amour, c'est si heureux, les mauvais jours. Moi je m'en passe, car cet amour, c'est si précieux. Nombreux sont ceux qui séduisent, nombreux sont ceux qui dansent près de moi. Ils pourraient être les plus beaux, tu sais que mes yeux ne suivent que toi. La route sera pleine de crises, les hauts, les bas, ça nous passera. La route sera pleine de pentes, dangereuses et brûlantes pour nous. Ouh, ça nous dépasse, nos jalousies, ça me plaît pas, mais ouh, quand tu m'embrasses. J'ai qu'une envie, c'est d'être à toi. Nombreux sont ceux qui séduisent, nombreux sont ceux qui dansent près de moi. Ils pourraient être les plus drôles, tu sais que mes yeux ne suivent que toi. Nombreux sont ceux qui séduisent, nombreux sont ceux qui dansent près de moi. Ils pourraient être les plus riches, tu sais que mes yeux ne suivent que toi. Moi je voulais tes yeux, ça ne changera pas.